Ouais, ouais. Eh, V2 vrai, les boycottés, eh. Et j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire. Oui, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire. Eh. Et j'ai du mal à croire que tout passe et tout s'oublie. Oui, je sais que l'amour, même par beau temps, te fait souffrir. Comment faire confiance? Ça va dur de forcer les sourires. Mon cœur, une porte et personne ne peut forcer la serrure. Après l'adultère vient la haine. Et non, y'a pas de sérum. Toutes ces belles promesses oubliées, c'est la faiblesse de l'homme. J'aimerais gommer son visage, j'entends pas, je tourne jusqu'à l'eau. Ma vie, une escalade, Chétan me bouffera-t-il comme une escalope? À croire que toutes les femmes bien sont devenues des salopes. Franck crache ma rage sur l'antipop. Frère, fais du rap et pas de la pop. Passe la drogue. J'sais que les morceaux se recollent pas à la colle, donc passe l'alcool. Et demain on verra bien, je fais attention au mien. Et pour ça j'en viendrai aux mains. Touche à la famille et je sais pas où t'emmènera le chemin. On en a marre de faire les chiens, se battre pour un bout de pain. Tu vois pas que mon cœur saigne, je sais pas où j'en serai demain. J'entends au vous me dire bien à qui, je suis si triste que tu sois parti. J'ai pas pu dire goodbye, je parle très peu de la good life. Est-ce peut-être là mon défaut, comment fermer dans le goulag? Est-ce mon esprit qui me fait défaut, simplement manque de courage? J'entends au vous me dire bien à qui, je suis si triste que tu sois parti. J'ai pas pu dire goodbye, je parle très peu de la good life. Est-ce peut-être là mon défaut, comment fermer dans le goulag? Est-ce mon esprit qui me fait défaut, simplement manque de courage? Je n'ai sûrement plus la force de vivre cette villa, j'aimerais juste m'en sortir. Tu peux garder tes rêves de villa. Je ne supporte plus la toule, voir un frère qui y va. On a tous permis qu'il dira. Plus de 130, j'ai pris le virage. Angoisse de ne plus revoir ton visage. Maman, pardonne-moi mon naufrage. Je ne peux pas vivre ce jour où je ne te verrai plus que sur des photos. Faut y penser bien sur poteau. Tout passe trop vite, tout passe trop tôt. Je connais cette sensation où t'as rien. Le jour où t'as les gros, je pousse à faire du sale et certains trahir ses frérots. Évite la gourmandise avant de finir la cerise sur le gâteau. Très peu gâté depuis l'île, pas de goût, t'es dans sa cadeau. Vie sac à des mises en cage, flow sac à des styles décalés. Et c'est là j'en vais des boycottés, dehors ou enfermé. Représente les frères au placard Nanterre à Montfermeil. Je vous dis goodbye, moi j'ai purgé ma peine. Je vous dis goodbye, moi j'ai purgé ma peine. J'entends au fond me dire bien à qui, je suis si triste que tu sois parti. J'ai pas pu dire goodbye, je parle très peu de la good life. Est-ce peut-être là mon défaut, comment fermer dans le goulag? Est-ce mon esprit qui me fait défaut, simplement manque de courage? J'entends au fond me dire bien à qui, je suis si triste que tu sois parti. J'ai pas pu dire goodbye, je parle très peu de la good life. Est-ce peut-être là mon défaut, comment fermer dans le goulag? Est-ce mon esprit qui me fait défaut, simplement manque de courage?